Benna, Benna. Je t'entends pas. Guitar, bass, tune, start the fish. Yeah, yeah, I know. To build on in thee. Son. Oh, papa, dear, build a bomb, bring the papa bomb. Bottle to pay. I wish I may. Allez, Chinky Kempo. Chinky Kempo. Est allé. Ça va, double basse. Depuis le temps. Est-ce que ça va chez toi? Salut, Benno. Mais putain, il faut que je change mes lunettes, je vois rien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, come on. Benjamin, we try, I wish. On essaye, ok, mais... Peut-être, DB, tu vas nous mettre une batterie. Papa was a rolling stone. Je ne vous entends pas. Marie, je ne vous entends pas. Double bass sleeping. tu dors? Peut-être he's sleeping. Because it's hard the days. With the rain, it's raining. Non, je sais pas. Ah, I launch drop. Ok. Don't sleep. Don't sleep. Mec qui se la pète. Da-dum-bum. Salut Stéphane. C'est quelle de... Il y a vachement de claviers souvent. S'appelle comment cette chanson de Stevie Wonder? What a soul man, a string of 5 feet been a toy. What could to be the double fate? And a superstition. C'est pas ça, non? C'est ça? Je sais pas. There is superstition writing all the way. There is superstition. Ah merde, je suis en retard là. Je vais commencer à 1. Ok, I start to 1. Superstition. 1, 2, 3. Superstition.